Aujourd'hui, le devoir nous appelle. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. En conséquence, tous nos camarades qui y étaient sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de Robert Gueye. Le gouvernement de transition, je le déclare dissous dès à présent. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. On peut placer sous le signe d'une certaine ouverture la récente trajectoire politique du Sénégal et du Maroc. À l'Élysée, à l'occasion d'une visite parisienne en mars 2000, le roi du Maroc, Mohamed VI, présente son projet de nouvelle société.